Yeah, la vie est belle quand tu souris. T'es dans ma tête comme une mélodie. Voilà, voilà, voilà, je ne suis plus un voleur. Je n'ai volé que ton cœur car il a trop de valeur. Tous mes rap, c'est des mafias. C'est pour ça que tu es méfiante. Hey Nia, fais-moi confiance. Hey Nia, tu n'es plus une fillette. Mon bébé, ich liebe dich, wallah. Ensemble on va faire beaucoup de moula. Ich liebe dich, wallah. Ensemble on va faire beaucoup de louja. Piccola, c'est la mia. Piccola, c'est ma petite. Piccola, c'est la mia. Piccola, c'est ma petite. Ooh, nani, nani, nani, nani. Baby, so many, many jalousies. Cogno. Ooh, nani, nani, nani, nani. Walesh. Jenny, Jenny, Jenny, Jennifer. I love you. Ooh, nani, nani, nani, nani. Baby, so many, many jalousies. Cogno. Ooh, nani, nani, nani, nani. Walesh. Jenny, Jenny, Jennifer. I love you. خويا اندمونياتو عندو جنون. خويا قرح شالو تروحو. قولو لو لو لو لو سال عزولو. حطولك الفودو في البخوخو. عشاك vibra como un Nokia, exo culo con mio flow. Trema le ginocchia quando passa Robocop. Mi presenta suo papà, io c'ho gli occhi come Brooke. Zigaro, yo bi, yo ba, ma non hablo español. Se vuoi contarmi i rasta, che in testa. Andiamo a casa, ora basta, la fiesta. Bonita, ogni va, fra Roma, fumiamo shisha. Piccola, sei la mia. Piccola, c'est ma petite. Piccola, sei la mia. Piccola, c'est ma petite. Ooh, nani, nani, nani, nani. Baby, so many, many jalousies. Cogno. Ooh, nani, nani, nani, nani. Walesh. Jenny, Jenny, Jenny, Jennifer. I love you. Ooh, nani, nani, nani, nani. Baby, so many, many jalousies. Cogno. Ooh, nani, nani, nani, nani. Walesh. Jenny, Jenny, Jennifer. I love you. Jenny, Jenny, Jennifer. Dis-moi ce que je dois faire. Pour toi j'arrête les affaires. Jenny, Jenny, Jennifer. Stop.